Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau numéro consacré à l'optimisme. L'optimisme, un bien grand mot presque synonyme de futur heureux, un gros mot presque pour certains qui considèrent qu'être optimiste consiste à se voiler la face. Alors c'est vrai, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, pourtant il existe bel et bien un optimisme intelligent, celui qui nous aide à ramer contre les courants. Alors pour tout savoir sur cet optimisme intelligent, comprendre son mécanisme, savoir comment il se cultive, mais aussi comment il s'acquiert, car quand on est par exemple un anxieux, un grand anxieux qui voit toujours le verre à moitié vide, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre coach professionnel certifié, monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Voilà, alors donc on va parler d'optimisme, mais d'abord, première question Stéphane, c'est quoi être optimiste? Est une qualité, je dirais même mieux une compétence qui prête à l'humain la capacité de voir les choses, les gens, les événements et le monde qui l'entoure d'une façon très positive. C'est une perception personnelle et donc un état d'esprit résolument orienté solution et qui lui permet de voir l'avenir sous de bon augure et de vivre les événements de manière plus agréable. L'optimiste a également la capacité d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. Il est donc volontairement enclin à s'engager dans les aventures en étant pleinement conscient de ses capacités, de ses qualités et de son potentiel. Et pour terminer, l'optimisme est en lien direct avec la motivation. Pas d'optimisme sans une grande motivation orientée vers un objectif fort et plein de sens. Alors, c'est quoi l'optimisme intelligent, Stéphane, et quels sont les mécanismes d'action de l'optimisme? Être optimiste n'est pas synonyme de voyage à Wiwiland, comme vous l'avez dit en introduction. L'optimisme ne voit pas le monde en rose. Il est simplement programmé différemment des gens qui sont moins emballés et qui ont tendance à freiner des cas de fer par simple crainte de l'aventure, du changement ou des difficultés. Et nous en connaissons beaucoup autour de nous qui ont un peu ce profil. L'optimisme s'éloigne du négativisme pour évoluer dans un espace solution résolument positif tout en étant réaliste, bien sûr. En avançant, il s'indexe sur des données pragmatiques le caractérisant, notamment ses qualités, son potentiel et sa persévérance. Alors, pourquoi être optimiste? Quels en sont les bénéfices, Stéphane? Il est bon d'être optimiste car cela met de la couleur dans notre existence, voire même du sel parfois. Cela nous permet de mieux passer les obstacles de la vie, en tout cas avec philosophie et peut-être avec le sourire, même pour des événements qualifiés de graves, et de vous engager plus sereinement sur le chemin du mieux-être, du bien-être et du fameux bonheur. Alors les bénéfices sont nombreux, comme vous l'avez dit, aussi bien du côté de la santé physique que de l'équilibre psychique que de la vie sociale. Je mentionnerai dans le désordre, alors un bien-être certain au quotidien, ça c'est sûr, une résistance accrue quant au physique et au moral, une plus grande vitalité, une certaine perméabilité au stress, une forte inclinaison à créer des liens, une plus grande capacité à s'engager, une bonne estime de soi, une bonne confiance, une réussite certaine dans tous les domaines de vie, une satisfaction quant à la vie en général, une vie plus heureuse, une gratitude plus spontanée, la gratitude on aura certainement l'occasion d'en parler prochainement d'ailleurs, une meilleure santé au sens général du terme et un allongement de l'espérance de vie, si ça peut vous rassurer. Alors ce programme a l'air franchement super Stéphane, mais alors comment être optimiste? Être optimiste, c'est déjà s'éloigner du pessimisme. Martin Seligman, un des fervents défenseurs de l'optimisme et de la psychologie positive, dit que le pessimisme fournit des explications temporaires et spécifiques aux réussites, ce qui est dommage, et des explications permanentes et universelles aux difficultés. Et du coup, il s'effondre sous la pression et a tendance à ne pas se remettre sur la route. Alors que l'optimiste fournit des explications temporaires et spécifiques aux événements négatifs, hein, ça reste des micro-événements dans la vie, et des explications permanentes et universelles aux événements positifs, c'est-à-dire que pour lui, la réussite et le fait que ça aille bien fait partie de sa vie, et c'est comme ça, ça lui permet de rebondir rapidement lorsqu'il y a un problème et des écueils importants, et persévère dans l'effort et dans l'adversité. Alors, pour être optimiste, l'idée, pour commencer, est de ne pas attribuer les réussites au hasard, mais au résultat d'un travail qu'on s'approprie en disant, voilà, c'est mon travail, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Ensuite, il est bien de penser et de voir les choses sous un angle positif. Alors, pas évident, lorsqu'on est un négatif convaincu, de passer comme ça et de voir les choses à travers le prisme positif. En tout cas, il faut tendre vers ça. Et de se dire que les problèmes sont des opportunités qui trouvent toujours, je dis bien toujours, des solutions. Et quand les choses ne se passent pas bien, il faut rester avec une appréciation spécifique en vous disant que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, que ce n'est pas grave et que ça ira mieux la prochaine fois. Et bien sûr, de rester dans une tendance générale positive en vous disant que de toute façon, ça va aller. Et nous voici au moment de la trousse à outils Wenggood, Stéphane. Alors, je traverse une phase d'anxiété. Quel conseil pour me rappeler comment voir le verre à moitié plein? Comment retrouver de l'optimisme quand on l'a perdu? L'optimisme est, je dirais, quasiment incontournable pour bien aller. Alors, il influence la qualité de notre vie au quotidien et donc notre vie en général. Cette compétence n'est pas très complexe à activer. Et comme toute compétence, vous le savez très bien, Émilie, elle se travaille et tout le monde peut y avoir accès. Voici donc quelques pistes en 7 étapes pour avoir un état d'esprit résolument positif et booster votre optimisme. En 1, ne ruminez pas sur le passé, projetez-vous positivement dans l'avenir et vivez pleinement le présent, on en avait déjà parlé au moment de la pleine conscience. Hein. C'est un volet assez récurrent et assez important. En 2, éliminez les pensées et les croyances négatives, ces fameuses croyances limitantes, et si possible, remplacez-les par des idées, on va dire, aidantes. En 3, éloignez-vous des gens négatifs et rapprochez-vous des personnes constructives. Ça aussi, ça fera certainement l'objet d'un prochain sujet qu'on débattra ici ensemble. Avec plaisir. En 4, acceptez votre responsabilité dans la réussite au quotidien, comme je vous ai dit tout à l'heure. En 5, regardez le monde avec un œil plus tendre et si possible positif et bienveillant. En 6, exploitez au quotidien vos ressources. Vous en avez, c'est sûr. Trouvez-les et activez-les. En 7, donnez-vous un objectif fort et plein de sens et restez concentré dessus. Et enfin, faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Alors, devenir optimiste quand on est de base un grand anxieux, c'est pas facile, mais cela peut se faire accompagner d'un coach comme vous, Stéphane. Voilà. Alors, si vous souhaitez voir et boire peut-être le verre à moitié plein, c'est peut-être plus intéressant, n'hésitez pas à consulter Stéphane. Il est joignable en consultation privée, que ce soit en présentiel ou à distance, en visio par exemple, ou par téléphone. Vous retrouvez toutes les informations pour contacter Stéphane sur son site internet. Votre site, Stéphane? C'est coach-6-plus.fr. Pour ceux qui sont présents également sur les réseaux sociaux, je me permets de rappeler votre compte Instagram, Stéphane, donc qui est stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach, voilà, pour ne rien perdre de vos bons conseils. Stéphane, un très grand merci pour cette vidéo sur l'optimisme. Merci à vous. Puis reste optimiste. On se revoit très prochainement pour un prochain numéro. À bientôt, Stéphane. Merci. À bientôt. Au revoir, Émilie. Au revoir à tous. Au revoir à tous.